Les innocents. Прослушайте текст. Как вы думаете, действительно ли молодой человек невиновен? Partie 1. Le premier procès. Je ne suis pas coupable, monsieur le juge. Je suis innocent, a dit le premier accusé. Je n'ai pas volé le poste de radio. Je vais vous expliquer. Je flânais dans la rue à 3h du matin quand j'ai vu la vitrine cassée. Évidemment, je me suis arrêté. Au fond de la vitrine, il y avait un paquet. Et dans ce paquet, il y avait la radio. Je ne savais pas à qui elle était. Je n'ai pas voulu la laisser parce qu'une personne malhonnête aurait pu la voler. J'ai cherché un agent, mais en vain. J'ai donc décidé de la porter au bureau de police au coin de la rue. J'étais agité et confus. Voilà pourquoi je suis allé en sens inverse. Tout à coup, un agent m'a attrapé et il m'a demandé la radio. Puisque je respecte les agents de police, je leur obéis toujours et je la lui ai donnée. Je l'ai même accompagné au bureau et ensuite il m'a amené ici au tribunal.